الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله je continue aujourd'hui la réfutation par le Coran et la Sunna des exemples aussi de la sira du professeur sallam qui réfute l'imitation servile taqlid. Et je dis comment étaient les Arabes avant l'avènement de l'islam. Ils étaient, comme a dit Ja'far ibn Abi Talib, le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit Ja'far radiallahu anhu, onégus, roi d'Abyssinie. Et là, je rappelle les frères qu'il faut qu'ils révisent la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far ibn Abi Talib, il a dit onégus, roi d'Abyssinie, nous étions un peuple ignorant. أيها الملك كنا قوم أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف. Nous étions un peuple ignorant et païen. Nous adorions les idoles, nous mangions la charogne, la bête non sacrifiée. Nous commettions les abominations, nous rompions les liens de sang, nous traitions mal nos voisins. Le fort d'entre nous écrase le faible. فَكُنَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ. Nous étions ainsi jusqu'à ce qu'Allah nous envoie d'entre nos rangs quelqu'un dont nous connaissons le lignage, la véracité, la fiabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager issu d'entre nous dont nous connaissons le lignage, la véracité, la fiabilité et l'intégrité. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. Il nous a appelé à nous tourner vers Allah, à proclamer son unicité, à l'adorer et à renoncer aux pierres et aux idoles que nous et nos pères avions adoré. Il nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos promesses. وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ. Bref, un peuple ignorant qui s'entretue l'esprit. Il avait un esprit partisan, ta'assob. Il imite aveuglément ses chefs et ses ancêtres. Un peuple qui n'use pas de son intelligence. Et l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ouvert l'esprit, ils sont devenus des sages et des maîtres qui ont conquis le monde. Comment le prophète sallam il a fait, comment il a fait pour mener les Arabes, les hommes en général, à embrasser l'islam et adhérer à la religion d'Allah? Comment il s'y est pris? Vous savez que le prophète sallam s'est chargé de sa mission prophétique qui a reçu la révélation durant 23 années, n'est-ce pas? 13 années à la Mecque, puis il a émigré vers Médine où il a passé 10 années. Il y a des sourates et des versets qui lui ont été révélés à la Mecque. C'est ce qu'on appelle le Coran pré-hijrien. Et des sourates, des versets descendus à Médine. C'est ce qu'on appelle le Coran post-hijrien. Qu'est-ce qui caractérise le Coran pré-hijrien? Cette période était fondamentale. Elle était très importante, la période pré-hijrienne, avant l'hijr. La période où le prophète a passé à la Mecque. C'était une période préparatoire et éducative. C'est une période d'initiation, période de formation de la personnalité du musulman. Ce qui caractérise le Coran révélé à la Mecque, c'est surtout le tawhid, la croyance en Allah et au jour dernier, l'aqida, le dogme. Et ce qui caractérise le Coran médinois, ce sont surtout les lois, la prescription de la salat. Enfin, la salat, déjà, elle a été prescrite à la Mecque. La prescription de la zakat, du jeûne, du jihad, les rites du pèlerinage, l'institution du hijab, les règles du mariage, du divorce, les peines légales, le licite, l'illicite. Cela ne veut pas dire que dans les sourates mécoises, il n'y a pas de loi. Il y a des lois. Il y a l'ordre de prier, il y a l'ordre de faire la zakat de manière générale, comme dans sourate An'am, « Kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu » des arbres fruitiers, manger de leur production quand ils sont mûrs, et de tous ces produits, acquittez-en ce que de droit le jour de leur récolte et n'outrepassez pas, c'est-à-dire ne dépassez pas les limites, c'est-à-dire acquittez-vous de la zakat, de donner une part de ces récoltes-là. Donc, il y avait un peu, il y avait la prescription de la zakat à la Mecque. Mais le minimum imposable, le nisab, les biens imposables, les bénéficiaires, ça a été institué plus tard, c'est-à-dire à Médine. Comment s'est faite cette da'wa du prophète, cette da'wa au tawhid et à la aqida? Comment le Coran s'est adressé à l'homme? Comment il s'est adressé? Faut lire le Coran, faut lire les versets, les sourates mekkoises pour déduire cela. Qu'est-ce qu'il dit, le Coran? Il est parlé au début de la nature de l'homme, n'est-ce pas? De son origine. Il lui a dit, tu es un être humain, tu es le fils d'Adam, alayhi salam. Allah s'est adressé à l'homme, il dit, j'ai honoré ton père en insufflant en lui de mon âme, en lui enseignant les noms de toutes choses, en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui, n'est-ce pas? وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Dans Sourate Al-Hijr, qui est une sourate mekkoise, et ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain avec de l'argile extraite d'un limon fétide. Lorsque je lui aurai donné sa forme et insufflé en lui de mon esprit, tombé devant lui, prosterné, tous les anges se prosternèrent. Il a dit, subhanahu wa ta'ala aussi, Allah s'est adressé à l'homme, lui a dit, tu es un être honoré, privilégié. Il a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dans sourate l'Isra, qui a été révélée aussi à la Mecque, il a dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons portés sur terre et sur mer, nous leur avons procuré une bonne nourriture et nous les avons privilégiés sur beaucoup d'autres de nos créatures. Tu es un être humain, Allah lui dit, tu n'es pas une bête qui se laisse guider par n'importe qui. Tu n'as pas été créé pour le taqlid. Allah t'a donné la vue pour regarder ses signes, l'ouïe pour écouter sa parole, et un cœur pour méditer et la vérité réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Allah vous a fait naître du ventre de vos mères, dénué de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur. C'est bon? Oui, la vue, c'est-à-dire les éléments, les appareils pour acquérir la science et apprendre et méditer. Le cheikh Ibn Nasr Sa'di a dit dans son tafsir, Allah cite particulièrement ces sens en raison de leur noblesse et leur mérite parce qu'ils constituent la clé de toute science. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Peut-être seriez-vous reconnaissant. La reconnaissance a usé de. Consiste à quoi la reconnaissance? C'est à user de ses sens et à ne pas les retarder, à ne pas les mettre en panne, et à ne pas remettre ces sens-là à un cheikh ou un imam ou un faqih. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Il a dit, que ne parcourt-il la terre pour acquérir des cœurs aptes à comprendre? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. Et des oreilles aptes à entendre. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Or, ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais s'aveuglent les cœurs qui battent dans les poitrines. Comme dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Hajj. Il y a une parole qui me plaît, sincèrement, une parole d'Ibn al-Jawzi, de Hafid ibn al-Jawzi, dans son fameux livre Telbis Iblis. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, I'lam anna al-muqallida ala ghayri thiqa. Il dit, sache que l'imitateur, servile, n'est pas sûr du bien fondé des choses dans lesquelles il imite autrui. اعلم ان المقلد على غير ثقه من فيما قلد على غير ثقه فيما قلد. Sache que l'imitateur servile n'est pas sûr du bien fondé des choses dans lesquelles il imite autrui. Il est dans le doute, dans le scepticisme. C'est pas comme quelqu'un qui est convaincu, qui a directement accès au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. il ajoute, il dit, wa fi at-taqlid, suivez bien, wa fi at-taqlid ibtal manfa'at al-'aql, dans le taqlid, en faisant le taqlid, l'imitation, on endigue l'utilité de la raison. لأنه خلق للتأمل والتدبر وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر. En faisant le taqlid, il dit, on endigue l'utiliser, on endigue l'utilité de la raison, parce que la raison, parce qu'elle a été créée pour la méditation et la réflexion. Allah t'a donné l'عقل pour l'utiliser. وقبيح ممن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. Il a dit, c'est vraiment une attitude blâmable de la part de quelqu'un à qui on donne une bougie allumée pour s'orienter et qu'il éteint et continue de marcher dans l'obscurité. وعلم أن أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم التفحص على أدلة إمامهم فاتبعون قوله. Il a dit, sache par ailleurs que les adeptes des madhab, les mutaassibin, considèrent le fait d'examiner les arguments de leur imam, hanafite, shafi'ite ou malikite ou hanbalite ou autre. Il a dit, sache par ailleurs que les adeptes des madhab considèrent le fait d'examiner les arguments de leur imam comme une énormité. Ils suivent à la lettre son avis. فَيَتَّبِعُونَ قَوْلَهُ وَيَنْبَغِ النَّظَرُ إِلَى الْقَوْلِ لَا إِلَى الْقَائِلِ. Or, il dit, il faut regarder l'opinion et non celui qui l'a émise. كما قال علي رضي الله عنه للحارث بن عبد الله الأعور بن الحوطي وقد قال له أتظن أن طلحة والزبير كان على الباطل. Il a dit, il a dit, comme a dit علي رضي الله عنه الحارث بن عبد الله, il lui a dit, quand celui-ci lui demanda, penses-tu que Talha et Zubair étaient dans le faux? C'est lors du conflit qu'il y eut entre Ali et Talha et Zubair, la bataille de Safin et la bataille de Jamal. Et Abdullah, al-Harith ibn Abdillah, il a demandé à Ali, il a dit, est-ce que tu penses que Talha et Zubair étaient dans le faux? Et là, Ali, radiallahu anhu, il a dit, قال يا حارث إنك ملبوس عليك. Il a dit, oh, al-Harith, tu te fais des illusions. يا حارث إنك ملبوس عليك. إن الحق لا يعرف بالرجال. La vérité ne se connaît pas à travers les hommes. اعرف الحق تعرف الرجال. Comme la vérité, tu connaîtras ceux qui la détiennent. اعرف الحق. Faut connaître d'abord la vérité. Sachez, cher frère, si Allah t'a procuré tous ses sens, l'ouïe, la vue, le cœur, l'intelligence, alors ne les mets pas en panne et ne laisse personne penser à ta place, qu'il soit un shir ou un maître spirituel ou n'importe qui. Il y a des frères qui ne font, subhanallah, que suivre le sans réfléchir. Dès qu'ils voient les autres frères adopter une voie, ils les suivent, sans chercher à comprendre les preuves sur lesquelles ils se sont fondés. Certains suivent bêtement un cheikh ou un imam ou un professeur. Dès que ce cheikh part ailleurs et un autre le remplace, ils suivent la voie du deuxième, imitation aveugle et servile. L'islam est venu pour libérer les gens de cette servilité. Quelqu'un qui agit de la sorte, penses-tu qu'il s'est conformé à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Plusieurs fois, Allah parlait de la vue, de l'ouïe et du cœur. Dans Sourate les Abeilles, par exemple, Allah il dit, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est lui qui a créé pour vous l'ouïe, la vue et le cœur, mais vous êtes rarement reconnaissants. Dans Sourate Nahl, il a dit aussi une verset pareil dans Sourate Al-Mu'minun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi dans Sourate Sajda, ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Puis il lui a donné, c'est-à-dire il a donné à Adam une forme harmonieuse et a insufflé en lui de son esprit, vous dotant ainsi de l'ouïe, de la vue et de l'intelligence, mais il est rare que vous lui témoigniez de la reconnaissance. Celui qui dit qu'Allah a doté les gens de l'ouïe, de la vue et d'un cœur pour qu'ils suivent bêtement les autres, porte une attaque à la sagesse d'Allah. n'est-ce pas? Pourquoi Allah n'a pas doté seulement une élite, que les mujtahid ou que le déchir, une élite, il leur a doté de l'ouïe, de la vue et du cœur et a laissé les autres se laisser guider par eux. Si Allah a donné à tout être humain l'ouïe, la vue, le cœur, l'esprit, et lui a rappelé que c'est un bienfait de sa part, cela signifie qu'il doit se servir de ces sens-là pour parvenir à la vérité, qu'il s'agisse d'un han comme de quoi que ce soit. Sachez, chers frères, chères sœurs, que parmi les châtiments qu'Allah a infligés aux mécréants, c'est de sceller, justement, c'est de sceller leur sens, leur cœur et leur sens. Allah a dit « Khatam Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ». Il a dit « Allah a scellé leur cœur et leur ouïe et il y a un voile sur leurs yeux ». Dans sourate Al-Baqarah. Et dans un autre verset, « وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَأَن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ». D'aucuns parmi eux t'écoutent. Or, nous avons mis des enveloppes sur leur cœur en sorte qu'ils ne comprennent pas, une dureté dans leurs oreilles, quelques signes qu'ils voient, ils n'y croient pas. Mais dans sourate Al-An'am, ils écoutent le Coran du prophète sallam, ils écoutent. L'écoute les appelait à reconnaître l'unicité d'Allah et respecter ses ordres et ses interdits, mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Leur cœur ne retient rien. Ils n'écoutent pas véritablement. Et Allah, dans une autre sourate, dans la sourate Muhammad, où Allah dit « Oulaïka alladhina la'anahum allahu fa'asammahum wa'a'ma abasarahum afala yatadabbaroun al-Qur'an am'ala qulubin aqfalaha » Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit en les frappant de surdité et de cécité, que ne médite-t-il le Coran, ou plutôt les cœurs, sont complètement verrouillés. Surat Muhammad. La surdité et la cécité, c'est par rapport à la vérité ici. Pas là-ci, parce que sinon, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, mais ils sont sourds et aveugles par rapport à la vérité. Puisqu'ils étaient sourds à la vérité, ils refusent de voir ces signes, Allah a apposé un cœur, un sceau à leur cœur. En châtiment, c'est une sanction. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite leur exemple pour que nous ne soyons pas comme eux. Nous ne devons pas mettre en panne nos sens et nous laisser ainsi guider par les autres. Hein? Il ne faut pas être imma'a comme disent les salafs, les pieux prédécesseurs. Vous savez ce que ça veut dire imma'a? Imma'a, c'est un terme qui comporte deux vocables, n'est-ce pas? Il y a in et ma'a. In, c'est quoi? In, si, c'est une condition, c'est une particule de condition, si. Et ma'a, c'est avec. Il disait, il ne faut pas être un si avec. Vous avez compris ce que ça veut dire, un si avec? C'est-à-dire que si les gens suivent une voie, je suis avec eux, si avec. Si les gens suivent une bonne voie, je suis avec eux. Si les gens suivent une mauvaise voie, je suis avec eux. Je les suis bêtement. Et il qualifie le muqallid comme ça, il le qualifie de inma'a. Le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala a dit « Urdu aliman ou muta'alliman wa la takun inma'a » Il a dit « Veille à être un savant » ou quelqu'un qui apprend la science et ne soit surtout pas un inma'a, un si avec. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a reproché à des gens le fait qu'ils ne se servent pas et ne profitent pas de leur sens. Il dit « Summun bukmun umyun fahum la yarji'un » dans sourate Al-Baqarah. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas à la vérité. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Baqarah aussi « وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً Summun bukmun umyun fahum la yaqilun » Il a dit « Le cas de l'exhortation adressée à ceux qui sont mécréants et de celui qui les exhorte est comparable au cas de celui qui crie après un troupeau qui n'entend que les appels et les cris de la voix. Qui crie après un troupeau qui n'entend que les appels et les cris de la voix. Sourd, summun, sourd, muet, aveugle, ils n'usent donc pas de leur intelligence. Il y a deux leçons en fin de compte, il y a deux leçons à tirer de ce verset. C'est qu'Allah leur a reproché le fait qu'ils soient sourds, muets, aveugles par rapport à la vérité. La deuxième, c'est qu'Allah les a assimilés aux bêtes de troupeau. Quand le berger, tu vois, quand les bêtes du troupeau, quand leur berger les appelle, Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils ne comprennent pas le sens de ce qu'il dit. Ils savent seulement que tel cri signifie qu'ils doivent quitter un endroit, tel cri signifie qu'ils doivent manger, etc. Et juste avant ce verset, Allah a dit: Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Hein? Et quand on leur demande de suivre ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent: Nous suivons ce que la voix de nos ancêtres. Allah nous a informé qu'il va demander des comptes à nos sens. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Il a dit, n'affirme rien dont tu ne sois sûr, certes de l'ouïe, de la vue et du cœur, de tout cela, il vous faudra rendre compte. Ça, c'est dans sourate l'Isra. Tu seras interrogé sur ces sens. Est-ce que tu les as vraiment utilisés à la recherche de la vérité? Quand tu seras dans ta tombe, les anges te poseront des questions claires. Tout le monde connaît ces questions. Quelles questions ils vont poser? C'est quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Quel est ton Seigneur? Comment tu vas répondre? Quel est ton Seigneur? Tu adores vraiment par conviction Allah ou tu as juste imité les gens? Quelle est ta religion? Tu suis ta religion ou tu suis en te fondant sur des preuves évidente, claire, du Coran de la Sunna, où tu suis un madhab, où tu ne fais que suivre un cheikh. Et quand ils te poseront, les anges, quand ils te poseront la question, quel est ton prophète, tu vas dire quoi? Tu suis vraiment ton prophète ou tu suis quelqu'un d'autre? Quand on te rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, clair, clair et authentique, et dont le sens est clair, qu'est-ce que tu fais? Tu l'observes ou tu dis non, non, non, mais tel savant a dit, je ne sais pas, mais d'où tu as sorti ce hadith, c'est dans quel livre? Le livre, le cher, c'est quel madhab? Ah non, non, il est d'un autre madhab, je ne vais pas le suivre. Hein? Est-ce que tu dis ça ou tu dis non, non, je me conforme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sache qu'il n'y aura avec toi dans ta tombe ni cher, ni savant, ni quelqu'un qui va t'inspirer les bonnes réponses. Durant cette période mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris aux compagnons comment raisonner. Attention, les compagnons sont les plus intelligents des hommes. Ils connaissent les usuls, ils connaissent beaucoup de choses. Hein? Leur savoir, c'est nous nous puisons de leur savoir. Il leur a appris, sallallahu alayhi wa sallam, comment raisonner, comment discuter, en demandant des arguments et des preuves évidentes chaque fois. C'est ce que nous trouvons dans le Coran sous forme, par exemple, de hujja, les termes bayyina, hujja, burhan. Ça se répète souvent dans le Coran, les versets qui ont été révélés à la Mecque, dans les 13 années, la période mécoise, la période d'initiation, d'éducation, que j'ai dit, c'est une période fondamentale. Même, il leur a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris, il les a éduqués, il a éduqué les compagnons radiallahu anhum à demander des preuves, les arguments, même si ce que prétend l'adversaire est faux. Il faut demander des arguments. Écoutez, chers frères, est-ce qu'un homme doté d'un minimum de bon sens peut douter que le fait d'adopter une divinité en dehors d'Allah est une fausse croyance? Non. Et pourtant, Allah a demandé aux associateurs de lui donner une preuve du bien fondé de leur shirk. Ils disent, subhanahu wa ta'ala, Amma yabda'u al-khalqa thumma yu'iduh, wa man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard, a ilahum ma'a Allah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dans sourate An-Naml, n'est-ce pas lui qui instaure la création, puis la renouvelle, et qui vous procure votre subsistance à la fois du ciel et de la terre? Avec Allah, peut-il y avoir une autre divinité? Dis, il demande à son prophète, dis qu'il dise aux associateurs, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Quelqu'un doute de l'unicité d'Allah? Non. Et pourtant, il a dit, quiconque prétend le contraire, qu'il apporte la preuve ou un raisonnement logique attribué à un enfant à Allah. C'est une chose abominable. Du mensonge, ni la raison ni la conscience ne l'acceptent. Et pourtant, Allah a demandé à ceux qui lui ont attribué un enfant d'apporter une preuve. Ils disent, Allah s'est donné un fils, gloire à sa transcendance. Il est assez riche pour se passer de l'univers. À lui appartient ce qu'il y a ce qui est dans les cieux et sur la terre, in indakum min sultanin bihada, avez-vous une preuve à l'appui de ce que vous avancez? Il leur demande Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ont une preuve. Ça, c'est un verset qui se trouve dans Surat Yunus. Méditons comment Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander la preuve et l'argument. Regarde ce qu'il dit, il révèle à son prophète. Il lui dit, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُلِ اللَّهِ. Dis-leur, parlons de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Faites-moi voir ce qu'ils ont créé sur terre. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاءِ. Faites-moi voir ce qu'ils ont créé sur terre. Indiquez-moi la contribution qu'ils auraient apportée dans la création des cieux. إِتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apportez-moi un livre. Apportez-moi un livre qui vous aurait été transmis avant celui-ci ou quelques vestiges d'une antique science si vous êtes véridique. Sourate Al-Ahqaf. Ce qui caractérise la période mécoise aussi, ce sont les histoires des prophètes. L'histoire de Nuh, de Houd, vous savez, Sourate Houd, l'histoire de Saleh, peuple de Thamoud, l'histoire de Moussa, Moïse, Isa, Youssef, Younous, etc. Les histoires afin que les compagnons en tirent les leçons et y réfléchissent. Et aussi, ce qui caractérise la période mécoise, c'est les paraboles amthila. Daraba lakum mathalan min anfusikum allakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Allah vous propose un exemple tiré de vous-même. Seriez-vous disposé à associer à vos propres esclaves dans les biens que nous vous ayons octroyés, de manière à en faire vos égaux, à les craindre comme vous craignez vous-même? C'est ainsi que nous détaillons les signes pour des gens qui raisonnent. D'ici vous-même, vous ne pouvez pas mettre vos esclaves sur le même pied d'égalité que vous. Alors comment osez-vous égaler les idoles avec Allah? C'est ainsi que les compagnons ont été éduqués. Ils avaient appris à raisonner. Le prophète sallam les a libérés de l'adoration des idoles et du joug de l'imitation servile. Il leur a ouvert les yeux et l'esprit. C'est ainsi qu'ils sont devenus khayra ummatin ukhrijat linnas, la meilleure communauté qui ait été suscitée pour les hommes, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Imran. Donc, ce qui leur a donné ce privilège, c'est quoi? Ce qui leur a donné ce privilège, c'est qu'ils ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont conformés à ses ordres. Ils l'ont suivi. Ils avaient vécu les circonstances de la révélation. Certains versets s'adressaient à eux directement. Ils ont enregistré la révélation. Ils ont enregistré les paroles, les actes, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils divergent sur quelque chose, ils revenaient à lui. Quand il arrive le moindre problème, ils revenaient à lui. Parce qu'ils ont très bien compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'empire de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Najm. Quand Allah a fait descendre le verset, vous avez en l'envoyé d'Allah un excellent modèle à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier, Surat Al-Ahzab, ils ont crié de leur propres mains ces versets, ils l'ont compris et ils s'y sont conformés. Radiallahu ta'ala anhum. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu la révélation et ils ont réfléchi, ils ont médité sur ce que disait sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incarne. C'est une copie, comme a dit Aïcha, c'est une copie conforme de ce qu'il y a dans le Coran. Tous ses actes, ces paroles, ces ratifications silencieuses sont une interprétation de ce qu'il y a dans le Coran. Allah il dit subhanahu wa ta'ala anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun dans sourate An-Nahl. Et nous avons fait descendre vers toi le dhikr, le Coran, afin que tu explicites clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils amenés à y réfléchir. Ça a la raison. Pour réfléchir et penser à ça. Donc la sunna commente le Coran, elle explicite le Coran, elle en exprime le sens, elle détaille ce qui est global dans le Coran, elle est la deuxième source de législation. Elle est la deuxième révélation, la deuxième source de législation. N'est-ce pas? Comme a dit le professeur Aslam, Ala inni utitu le Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Vous savez, le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Hadith qui est authentique, qualifié d'ailleurs d'authentique par le Cheikh Albani, où le professeur Aslam a dit, sachez que j'ai reçu le Coran accompagné d'une révélation analogue qui lui ressemble. Et il a mis en garde contre ceux qui se contentent du Coran, qui rejettent la Sunna. Il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, Ala yushiku rajulun shab'anun ala arikatih, yaqulu alaykum bihadha al-Qur'an. Il dit, peu s'en faut qu'un homme le ventre plein, bien à l'aise sur son fauteuil, ne dise, contentez-vous de ce que de ce qu'il y a dans ce Coran. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. Il dit, peu s'en faut qu'un homme, le ventre plein, bien à l'aise sur son fauteuil, nous dise, contentez-vous de ce Coran, ce que vous y trouvez de licite, tenez-le pour licite, et ce que vous y trouvez d'illicite, tenez-le pour illicite. Et là, le professeur sallam réplique, il dit, wa innama ma harrama rasulullah. كما حرم الله. Or, ce que l'envoyé d'Allah a interdit est comme ce qu'Allah a interdit. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien laissé, je n'ai pas laissé une chose qui vous rapproche du paradis et qui vous éloigne de l'enfer sans que je vous l'ai explicité. Sans que je l'ai explicité pour vous. Ma taraktu shay'an yuqarribukum min al-janna wa ba'idukum 'anil nar illa wa qad bayyantuhu lakum. Je n'ai pas laissé une chose qui vous rapproche du paradis et qui vous éloigne de l'enfer sans que je l'ai explicité pour vous. Abu Dharr radiallahu anhu, le noble compagnon, il a dit, l'envoyé d'Allah nous a certes quittés, mais il n'est pas d'oiseau qui bouge ses ailes dans le ciel sans qu'il nous ait donné une science à son sujet. Tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa' illa huwa yudhakkiruna minhu 'ilma. Donc faut faire très attention à ce point-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a expliqué le Coran comme il faut et nous a légué qu'il y a deux sources de législation, qu'il y a deux révélations, le Coran et la Sunna. Il ne faut pas négliger la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, laqad taraktukum ala al-bayda, je vous ai légué une voie claire de jour comme de nuit. Laqad taraktukum ala bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Celui d'entre vous, il a dit, ne dévie d'elle, je vous ai légué une voie claire de jour comme de nuit, ne dévie d'elle que quelqu'un voué à la perdition. Donc, les plus savants au sujet du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les compagnons. Allah les a loués pour leur conformité à son prophète et pour leur savoir. Et il a loué ceux qui les ont suivis dans les bonnes œuvres. Il y a beaucoup de versets sur ça, je crois que vous devez connaître ça. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Quant aux devanciers d'entre les muhajirines et les ansar, les immigrés, les auxiliaires médinois, et à ceux qui les ont suivis dans les bonnes œuvres, Allah sera satisfait d'eux et ils seront satisfaits de lui. Donc Allah est satisfait des compagnons pour leur savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme en sa main. Combien même l'un de vous dépenserait-il pour Allah l'équivalent en or du mont Uhud? Il n'atteindrait pas en mérite une poignée de nourriture ou même la moitié d'une poignée dépensée par un de mes compagnons. Hadith rapporté par le Bukhari. Donc les compagnons sont les meilleurs hommes de la communauté. La voie d'Allah, c'est la voie du salut, c'est le chemin de la rectitude. Consiste à suivre le Coran, la Sunna, et les comprendre comme les compagnons les avaient compris. Viennent ensuite les tabi'in et les successeurs du tabi'in. Bref, les savants des trois premiers siècles. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a qualifié ces trois siècles de meilleurs. Il a dit, comme le rapporte Imam Bukhari dans son Sahih, les meilleurs hommes sont ceux de mon siècle, puis ceux du siècle suivant, puis ceux du siècle suivant. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses. Mais marquons deux points d'arrêt dans la sira, surtout, en ce qui concerne notre sujet, à savoir l'imitation servile. Le premier, c'est la bataille d'Uhud. Vous savez, la bataille d'Uhud était riche en leçons et en enseignements. Elle a éduqué les compagnons et les amis à l'épreuve. Quand les archers, à qui le prophète a ordonné de prendre position sur le petit monticule et de rester à leur poste, quelle que soit la situation, quand ces archers désobéirent à son ordre, et qu'à cause de cette désobéissance, la bataille a tourné à l'avantage des associateurs de Quraysh. Certains d'entre les associateurs ont pu même arriver jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont Ibn Qa'mi'a, qui est arrivé jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le frappa. Et là, un cri retentit, Muhammad est mort. Il faut réviser un peu la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est mort. Quand il a dit, il a crié, alors là, l'information tomba comme la foudre sur les musulmans. Le maître n'est plus là. Le guide est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, les musulmans se divisèrent en trois. Un groupe a pris la fuite. Il y a des versets sur ça. Un groupe a pris la fuite. Un groupe a jeté les armes, désespéré. Pourquoi il continue de combattre? À quoi sert-il de combattre? Quel est le but du combat maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort? Un troisième groupe. Ce groupe-là a bien compris, il a bien saisi le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont bien compris que la religion d'Allah, là, ces gens-là voient loin, ils ont une vision profonde de la religion. Ils savent que leur but, c'est de faire triompher la religion d'Allah. Ils ont très bien compris qu'Allah les a créés pour l'adorer et pour élever sa parole. C'est à lui et à sa religion qu'ils doivent s'attacher plus qu'autre chose. Dans ce moment crucial et difficile, ils ont redonné le moral aux troupes musulmanes en disant « Si Mohammed a été tué, eh bien le Seigneur de Mohammed ne l'a pas été tué. Combattez donc pour la cause pour laquelle Mohammed a combattu. Mutu ala ma mata alayh. » C'est vrai, si le messager est mort, le message demeure. Les hommes meurent, mais l'aqida demeure. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur la circonstance? Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans quel verset, dans quelle sourate il parle de ces circonstances-là? C'est dans sourate Al-Imran. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Muhammad n'est qu'un envoyé, d'autres envoyés vécurent avant lui. « Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul » Muhammad n'est qu'un envoyé, d'autres envoyés vécurent avant lui. Est-ce que s'il mourait ou s'il était tué, vous retourneriez sur vos pas? Celui qui revient sur ses pas ne nuit en rien à Allah et Allah récompensera ceux qui sont reconnaissants. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Après cela, bon, le prophète sallam est apparu et les compagnons se réjouirent. Donc j'ai marqué ce point d'arrêt. Le deuxième choc, c'est la mort réelle du prophète sallam après sa maladie. Quand il est mort, vraiment, les compagnons refusèrent de le croire. Ils furent troublés, ils ne savaient quoi faire. Et celui qui restait ferme, c'est qui? Celui qui restait ferme, c'est Abu Bakr Siddiq. Il entra dans la maison de sa fille Aïcha, il écarta du visage du prophète sallam le drap dont on l'avait recouvert, le regarda et l'embrassa et dit « La miséricorde d'Allah sur toi, envoyé d'Allah, comme tu es pur, vivant ou mort, ma atyabaka hayyan wa mayyita » puis se dirigea vers le minbar, vers la chair, et dit aux gens « Pour celui d'entre vous qui adorait Muhammad, en vérité, Muhammad est mort. Ayyuha an-nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. » Et pour celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant et vivant et ne meurt pas. Puis il récita la parole d'Allah, Muhammad n'est qu'un envoyé, d'autres envoyés ont passé avant lui. S'il meurt ou s'il est tué, reviendrez-vous sur vos pas. C'était comme si personne n'avait su que ce verset avait été révélé avant ce jour-là, où Abu Bakr se mit à le réciter. Chacun commença alors à se rappeler, ils ont tous oublié. Le choc les a fait oublier ce verset-là. Et celui qui est resté ferme, c'est Abu Bakr Siddiq. Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Et celui qui aimait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que quiconque. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si, s'il m'a été donné de choisir de cette communauté quelqu'un comme ami intime, je choisirais Abu Bakr. Quelle leçon peut-on tirer de ce verset et de ces événements? C'est qu'il ne faut pas s'attacher aux hommes, mais il faut s'attacher à la vérité. Certains frères ont ce complexe. Ils s'attachent inconditionnellement aux cheikh et aux savants, et ils les suivent. Et s'ils rendent une chose licite, ils les suivent. S'ils rendent une chose illicite, sans chercher d'arguments, sans chercher d'arguments. Et l'imitation, donc ce verset, et ces événements condamnent l'imitation servile et l'attachement inconditionnel aux hommes. Dès qu'ils entendent que d'autres grands savants ont dit quelque chose sur le cheikh qu'ils suivent, là ils sont troublés, ils se sont perdus. Ça y est, leur symbole est en train de s'écrouler. Ça y est, l'image de leur savant préféré vient d'être ternie. Ah, ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Pourquoi ils exaltent et vénèrent les savants au lieu d'exalter et vénérer et suivre la vérité. Donc j'ai donné cet exemple de la Sira pour montrer qu'il faut suivre la vérité avant de suivre les hommes. Ça là, je vais arrêter ici et je continuerai la prochaine fois. Inch'Allah, on rentrera dans les madahib la prochaine fois. Bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك